Activité 12. Bonjour Lina, comment ça va? Oh, salut Romane. Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Je viens de recevoir une bonne nouvelle. Je pars au Canada au mois de mars. Au Canada? Tu as gagné un voyage, un jeu ou au loto? Non. Tu sais, au deuxième semestre à l'université, il faut faire un stage. J'ai postulé pour faire un stage dans une entreprise au Canada et ça a marché. C'est super! Félicitations! Et tu vas faire quoi dans l'entreprise? Je vais travailler dans le service commercial. Ah, c'est intéressant. Mais tu n'as pas peur de partir si loin? Non, c'est seulement pour 8 mois. Je vais revenir en France en novembre. Et toi, tu n'aimerais pas partir au Canada pour ton stage? Je ne sais pas, le Canada, c'est loin de la France et de ma famille. J'aimerais partir plus près, en Suisse par exemple.